Allô, wesh l'Aquero. Wesh, ça va ou quoi, The Dog? Bien. Ouais, tranquille et toi? Ça va, on est là, frère, tranquille, hein, toujours. Au fait, ça quoi, j'ai besoin de toi pour un 16 et un refrain. Eh ben vas-y, sur ma mère, j'ai un refrain, là, je viens de l'écrire, viens, je te le fais écouter, ça fait... Des MC parlent trop, menacent rien. The Dog l'Aquero contre Galérien. Imagine le ciel sans les étoiles, c'est comme si Picasso mec n'avait pas de toile. Des MC parlent trop, menacent rien. The Dog c'est Péqué entre Galérien. Imagine le ciel sans les étoiles, c'est comme si Picasso mec n'avait pas de toile. C'est une toffe, l'Aquero, c'est du rap au parano. ML 96, 86 kilos, voilà comment je pèse sur le tempo. Trop de rimes brutalisées, t'as fait une faute, tu vas te faire étouffer aux sachets. Ici, c'est The Dog, âme de guerre algérienne. Mon poids, mon flanche, les carbures au kérosène. C'est du drapeau énervé, t'as fait une fausse bouche, impossible d'assumer. Coup de crosse à l'arraché, c'est The Dog, je débarque, impossible d'assumer. Rafale de projet dans ta face, dans le race, j'ai aussi plus terre que les golasses. Coup de grâce, c'est dégueulasse, trop de chaîne, trop connasse. J'prends une poste, t'es gommé la prod. Aussi vénère qu'un Schmitt qui frappe à ta porte. Tu t'imes trop, fais tailler comme ma plume, quand après deux ans, t'es toujours traumatisé. Coup de crise, il est l'animal. Écoute mon rap, le tien est banal. Tu fais du Luna, ce dog là, tout bête, c'est la même. Je sursis, t'es une vague de tsunami. J'dis pas de la merde, moi mes textes sont réfléchis. Des MC parlent trop, menacent rien. Ce dog là, Kéro contre Galérien. Imagine le ciel sans les étoiles, c'est comme si Picasso mec n'avait pas de toile. Des MC parlent trop, menacent rien. Ce dog c'est Péqué entre Galérien. Imagine le ciel sans les étoiles, c'est comme si Picasso mec n'avait pas de toile. T'es marre au quart mesure quand on me parle de fuite. Tous ceux qui m'ont demandé en sont partis avec des fuites. Ça sort si ça sort, ça sort, ce son s'exhibe sur le net. Unité marginale, objet venu d'une autre planète. Ok, The Dog m'appelle et dit qu'il faut poser. Moi j'ose, laisse les 16 pour venir trinquer. Smoke shit, chaque ligne comme d'hab, toujours frais. Saveur à la menthe, histoire de dire ce que j'ai commandé. J'm'en bats les couilles du pot, j'ai appris à pas tourner autour. Les MC des pigeons et moi je suis le vautour. J'suis trop loin, infiniment, un peu comme les cieux. Si le rap est question de couleur de peau, faudrait que tu fermes les yeux. UM c'est l'équipe, c'est là que viennent tes soucis. À croire qu'à Pierre au Japon, que ceux qui veulent les sushis. J'plipis des MC, des terres dans mon bise. Les MC je détruis, t'as dédié à Yacine. Une gorgée de potions. Sauf so fraîche, tes coupées sont trop doux, les miennes deviennent trop rêches. La politique et les médias aujourd'hui ne m'intéressent plus. Inutile comme si t'étais hors jeu et que t'avais marqué le but. Quand je dis unité, vous dites tous marginal, c'est unité. Marginal. Unité. Marginal. Quand je dis ze, vous dites tous dog, ça fait ze. Dog. Ze. Dog. Des MC parlent trop, menacent rien. Ce dog la Kéro contre Galérien. Imagine le ciel sans les étoiles, c'est comme si Picasso mec n'avait pas de toile. Des MC parlent trop, menacent rien. Ce dog c'est Péqué entre Galérien. Imagine le ciel sans les étoiles, c'est comme si Picasso mec n'avait pas de toile.